la transparence de la taille boue. Mes yeux vitreux se posent, j'ai le regard flou. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi son niveau est descendu aussi vite d'une seconde à l'autre. J'aimerais t'en passer toute la nuit à gober son goulot sans qu'elle ne se vide. Pourquoi cette relation est-elle tant éphémère? Je voudrais passer ma vie avec elle jusqu'au cimetière. Madame la Teille, mes sensations tu réveilles. Madame la Teille, une seule gorgée m'ensorcelle. Madame la Teille, il n'y a que toi qui sois fidèle. Madame la Teille, je donnerai mon foie pour toi, ma belle. Madame la Teille, à que je t'aime. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Toujours à la fête, gentil me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Madame la Teille, mes sensations tu réveilles. Madame la Teille, une seule gorgée m'ensorcelle. Madame la Teille, il n'y a que toi qui me sois fidèle. Madame la Teille, je donnerai mon foie pour toi, ma belle. Madame la Teille, à que je t'aime. Est-ce que les choses sont comme des remontées? Avec tes copines m'a donné la nausée. Je sens comme un vent frais qui parcourt mon corps. Apparemment je suis à poil dans le jardin dehors. J'ai une envie d'uriner, j'en fous plein sur mon futal. De toute façon ça va sécher, alors je vois pas où est le mal. C'est Bagdad dans ma tête, y a plein de flashs, des souvenirs oubliés et des actions plutôt trash. Madame la Teille, tu réveilles. Madame la Teille, une seule gorgée m'ensorcelle. Madame la Teille, il n'y a que toi qui me sois fidèle. Madame la Teille, je donnerai mon foie pour toi, ma belle. Madame la Teille, à que je t'aime. Madame la Teille, il n'y a que toi qui me sois fidèle. Madame la Teille, j'aimerais mon foie pour toi, ma belle. Madame la Teille, à que je t'aime.